بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سأسألك عن كلمة سجيدة. ما معنى تكون يتكون؟ se composer. Comment on dit étage? Tabaqi. Tabaqi. Comment on dit la date? Tarikh. Ma ma'na mawdou'a, on a fait le nas. Poser. Comment on dit une découverte? Iktichaf. Iktichaf. Comment on dit un panneau, une pancarte? Lawhatun. Lawhatun. طيب الأسئلة مما يتكون المتحف من ثلاثة من ثلاثة طوابق. ماذا شاهد علي في الطابق الأول؟ شاهده الآثار. شاهده هو شاهد فيه. Je veux dire, pouvez-vous le dire, répéter Ali. Ah bon? Pardon, Ali. Shahada. Fihi. Shahada fihi. Al-athar allati ya'ud ya'ud ta'ud. Allati ta'ud. Ay hiya. Allati ta'ud. Nari. Al-milad. Tarikhuha. C'est ça? تاريخها إلى ما قبل. إذن في التاريخ راح تقول لنا يعود. الفاعل زي التاريخ. يعود تاريخها. لا. يعود يعود تاريخها. التاريخ. أجري بس نفاز. شاهده الآثار التي يعود تاريخها إلى ما قبل. ميلاد المسيح. نعم. عليه السلام. طيب. كم قضى علي في الطابق الأول؟ أكثر من ساعة. في أي زمن استعملت الآثار التي شاهدها في الطابق الأول؟ قبل ميلاد المسيح عليه السلام. مما صنعت أدوات الزينة من الحديد. أين وجد أدوات الحرب؟ في الطابق الثالثة. الثالث. كيف صنعت الآثار؟ كيف وضعت الآثار؟ بالطريقة منظمة. كيف خرج علي بعد انتهاء جولته؟ مشروعا. ما الفرق بين آثار الطابق الأول والثاني؟ لست متأكدة في كتبت تاريخها استبعادات من عصر قبل الإسلام استبعاد الإسلام الروسي قبل المسلم. قلنا السادس. السادس. نمت لي مود عن شو تفضل. ألو. المتحف يتكون من ثلاثة طوابق. طوابق. ensuite une autre phrase. وضع محمد أدوات الحديد قريب من رقن. أدواتي. لا. العايق استقوى بشدي دمان السالم اللي منصوب بيك انكسرة أدواتي. هذا الحديث قريب من رقنين بولا مش تخبس تي رقنين وفلاتي بيوك. نعم ما تخشي انقر. اكتشف السكين جوست مي سا لا ديكوفير ان كوتو ادوات الزينه موضوعة في الطابق الثاني. طيب الآن ترتب الجمل. وصل أحمد المتحف الذي يتكون من طابقين. فصعد إلى الطابق الأول وشاهد فيه أدوات الزينة. وبعد أن قضى وقتا في طابق في الطابق الأول صعد إلى الطابق الثاني وشاهد فيه الأدوات التي صنعت من الحديد كالمرعقة والسكين. أحسنت. بارك الله فيك. الآن سندخل في الدرس 15 من الآداب الإسلامية ومن les comportements islamiques. كلمات الجديدة غياب. Expliquer déjà c'est absence. C'est le mot de Aba. غاب يغيب يا راجع ود يود يعني dans le sens de احب j'aurais aimé souhaité j'aurais dans le sens de j'aurais aimé quoi ودت c'est souhaiter une chose aimer une chose vouloir une chose et quand tu dis ça dans le passé ça veut dire j'aurais voulu quoi ou je voulais quand tu dis dans le passé ça veut dire je souhaitais j'aurais souhaité. Enfin, pas dans le texte. Là, c'est pas le sens, comme dans le vers précédent, c'est pas le sens de poser, là, c'est le sujet. Maudou'un ders, ay. Fimazé ta'alok, le ders. Chawwaka, yushawwiku, c'est donner envie. Sha'iq. Nafsa Shay, c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose. Shayr, quelqu'un qui a envie de quelque chose. Wajaba Yajibo Ala, incombé sur ou à, on dit une chose obligatoire sur quelqu'un. Tahalla, yatahalla, se parer de quelque chose. مراعاة c'est faire attention à quelque chose. Là, c'est un masdar de ra'i ou ra'i, prendre soin d'une chose. Là, c'est un masdar, c'est pas un verbe. Amana ma'aruf, c'est un dépôt, chose qu'on a confié. Aadahu ya'uduhu aizarahu, visiter. فلنك عيارة المريض سلازيد المريض. طيب عندنا يوسف وإبراهيم. أنا سأقرأ يوسف وإبراهيم والبداية كذلك تقرأ البداية أنا سأترجم إن شاء الله. غاب إبراهيم ولم يحضر درس الأمس لأنه كان مريضا فعاده صديقه يوسف ليطمئن على صحته فسأله إبراهيم عما درسه مع زملائه أثناء غيابه. نعم دونك إبراهيم a été absent, il n'a pas assisté au cours d'hier, car il était malade. Alors son ami Youssouf l'a visité pour se s'acquérir de ses nouvelles, de sa santé, sans qu'il y ait rien. Je lis qui déjà ? Maza ? Anna Akraman. Ibrahim. Alors Ibrahim l'a interrogé à propos de ce qu'il a étudié avec ses camarades lors de son absence. قال يوسف لقد كان درس الأمس ممتعا وددت أنك حضرته وسمعت ما دار فيه. Donc il dit le درس d'hier était vraiment plaisant. J'aurais aimé que tu y assistes et que tu entendes ce qui a été cité. دار là-bas se tournait, mais là on va dire ce qui a été cité. ما موضوع الدرس لقد شوقتني لأستمع إليه. قل لي ما تذكر منه ما تتذكر منه. نعم. Quel était le sujet du cours? Tu m'as certes donné envie de l'écouter. Dis-moi ce dont tu te rappelles. لقد كان الدرس عن بعض الآداب الإسلامية وما يجب على المسلم أن يفعله. Donc le sujet du vers c'était sur les comportements islamiques. Adab, le comportement, une adab. Et adab, ça peut aussi avoir le sens de littérature. Et ce qui incombe aux musulmans de faire. هل هناك أشياء جديدة يجب مراعاتها؟ Il dit, est-ce qu'il y a là des choses nouvelles que nous devons observer? Il dit, نعم هناك آداب يجب علينا أن نعرفها. Il dit, oui, il y a des comportements qui nous sont obligatoires de connaître. Est-ce que tu te rappelles de certaines choses, on va dire, de ce que le professeur a dit? لقد كان موضوع الدرس عن الآداب التي يتحلى بها المسلم إذا تكلم أو جلس مع الناس وإذا قابل شخصا أو تسلم أمانة أو أكل أو شرب. Donc il dit, le sujet du cours, c'était sur certains comportements dont doit se parer le musulman si, lorsqu'il parle, lorsqu'il s'assoit avec les gens, lorsqu'il rencontre quelqu'un, ou lorsqu'il reçoit un dépôt, ou lorsqu'il mange, ou lorsqu'il boit. حقاً إنه موضوع شائق. ليتني حضرته. أرجو أن تذكر لي منه شيئاً. Donc c'était vraiment un sujet shaiq, yani qui donne envie, motivant, captivant. Moi j'avais dit quoi, shaiq, celui qui a envie. Quelqu'un qui est shaiq. Ouais, c'est ça, c'est une chose qui est captivante, qui donne envie. Dommage que je n'y ai assisté. Laitani, dans le sens. Kamel. أرجو أن تذكر لي منه شيئا. Voilà. Ça on a dit. J'espère que tu vas m'en citer une partie. Là, c'est toi ça. Attends. Ouais, نعم. C'est moi plutôt. نعم. سأحاول إن شاء الله. Je vais essayer إن شاء الله. طيب. La مفهوم. الآن نأخذ الأسئلة التي تكون عليك في البيت. لماذا لم يحضر إبراهيم الدرس؟ وقصد إبراهيم نفس السؤال. لماذا عاده صديقه يوسف؟ Parce que son ami Youssouf l'a visité. عما سأل إبراهيم يوسف. À propos de quoi Ibrahim a interrogé Youssouf. كيف وصف يوسف الدرس الذي عاد عنه إبراهيم؟ Comment Youssouf a décrit le cours auquel s'est absenté Ibrahim. ما الذي تمناه يوسف؟ Qu'est-ce que Youssouf a espéré? تمنى, c'est le fait d'espérer une chose, vouloir une chose. ما موضوع الدرس الذي درسه أو درسوه؟ Quel est le sujet du dars qu'ils ont étudié? كم يوم غاب إبراهيم? Combien de jours إبراهيم a-t-il été absent? هل كان الموضوع شائقا? Est-ce que le sujet était captivant? طيب. Après l'exercice الثاني. كما في النموذج. عندنا فعل وكلمة بين قوسين. تكلم ثم صوت. فعليه إن هو. يقول إذا تكلمت فتكلم بصوت مناسب. C'est-à-dire si tu parles, alors parle d'une voix convenable. إذا أكلت تأكل لا؟ نعم. C'est pas grave, enfin avec les centres de la phrase. Si. تأكل بصوت. Ah ben non. Là, t'as dit quoi? C'est pas saute. إذا أكلت تأكل بطريقة مناسبة مناسبين. Si tu manges, alors mange d'une bonne manière. سافر وسيلة. إذا سافرت فأسفر. فسافر. فسافر بوسيلة مناسبة مناسبة مناسبة. Si tu voyages, alors prends un bon moyen de transport. On va dire comme ça. غادر وقت. غادر c'est quitter, partir. إذا غادرت فغادر بوقت مناسب. Si tu parles, pars à un moment adéquat. تحدث تحدث صوت. إذا تحدثت فحدث فتحدث فتحدث بصوت مناسب. C'est le même sens que l'exemple. Et maintenant, il faut remplir les trous avec les mots qui correspondent. عندنا مفيدا ود يجب يتحلى مراعة اطمأن شائقا الآداب غاب الأمانة. Ces mots-là, tu dois les mettre dans les trous. Prends les phrases. الجملة الأولى. طيب. على الآباء أن يربوا أبناءهم تربية حسنة. Que sur les pères d'éduquer leurs fils une bonne éducation. يجب l'obligatoire sur les pères. D'accord. Et كان حديث المدرس ويجب أن نعمل به. Le discours du mudarris était il nous obligatoire de l'appliquer. مفيد. Ou ça peut être également il y en a un deuxième qui peut être pris. شائقان. Mais là, je pense que c'est plus mon fil. Ala le muslim, un bil akhlaq el hasana. L'obligatoire muslim de les bons comportements. Adab, non. Là, là il faut un verbe. Il y a des mots que je sais plus. C'est la quoi, il y a tahalla, c'est la quoi ? C'est pareil. Ce ? Paris. Ah bah, je suis là. C'est pas mon comportement. Une sifat, el muslimi, el ikhlas wa, parmi les caractéristiques du muslim, la sincérité et l'adab. Non. L'adab. خامسا علي أن يسافر معنا ليرى الآثار. Que علي de voyager avec nous pour voir les antiquités. ودا oui, il aimerait. لقد كان حديث الأستاذ صادقا وجعل الجميع يستمعون إليه. Que le discours du professeur était véridique et que tous se sont mis à l'écouter. Là, c'est le deuxième qu'on a dit tout à l'heure. Mahou. Et là, on aurait pu dire également Moufid. Les deux auraient pu aller. Sabian. Ala muslimin an yatahalla bil amana wa sitq. Sur le muslim de se parer de la confiance et de la véracité. Amana. Là. Je crois qu'il se répète souvent à dire. C'est même que le premier apparemment. Yadjib ? Non. C'est ce qu'il y a pas, Yadjib, que d'avis. Et l'autre, là, le quatrième, on aurait pu mettre autre chose que l'adab. Ça aurait pu être l'aman. C'est ça que je vous ai douté tout à l'heure. ثامنا يجب علينا جميعا تعليمات المعلم جيدا. Obligatoire à tous de les enseignements de l'enseigneur correctement. C'est quoi là? C'est la fois j'ai observer l'observation. C'est ça qui va là. Observer les enseignements du professeur. Je crois que dans la phrase d'avant, on pouvait mettre aussi Al-Adab, non? Al-Adab, ah bah non, c'est là. Al-Adab, ala tous les muslims, là. Là, ma yunasib. Tassian, Zara Tariqun Sadiqahu, fil Mustashfa wa M ala Sihatihi. Que Tariq a visité son ami dans le Mustashfa et M sur sa santé. Ma'anna. Non, c'est assuré. Ashiran, M el Muwazzaf, an Amalihi Ams. L'employé de son travail hier. Rabat. Rabat, non. طيب الرابع غاب إبراهيم ولم يحضر لأنه كان مريضا فزاره زميله ليطمئن على صحته إبراهيم était absent et n'a pas assisté au cours car il était malade donc ses amis ou son camarade l'avaient visité pour s'assurer de sa santé donc là maintenant il faut que tu changes de phrase avec les damaïa Antuma comment tu vas dire au lieu de mettre Rabba Ibrahim je mets Antuma. En fait, de mettre Ibrahim, tu mets Touma. Rabatoum. Hein? Rabatoum. Là. Là, ça va être Ribtouma. Ribtouma. Ribtouma. Ribtouma. Ribtouma. Antouma. Mais attends, il est déjà. Ribtouma, Touma. On va dire le tout, c'est le faire, ce sujet. Ribtouma, Walam. Walam. Yahduru Yahdur Kuma. Là. Walam Tahdura. Walam Tahdura. Aïwa. Léana Hukana Marita. Léana Kuntum. Là. Kuntuma. Aïwa. Kuntuma. Marien là. Là. Là, c'est pas ça. Léana Kuma. لأنكما غبتما ولم تحضرا لأنكما لأنكما مريضا لأنكما لأنكما كنتما كنتما كنتما مريضا مريضا مريضا لا مريضان مريضين Le mansoub à la base c'est Maridani, mais là il est mansoub, c'est Maridain, ça t'a pas encore appris. Maridain. Maridain. Aïe, va. Là. Là c'est plus eux là. Fazara vous a mis le hou. Là. Zamiluha. Le hou il revient à un Touma. Zamiluha. Zamiluha. Le hou. Là ça revient au. De qui on parle. C'est un Touma. Tu changes le hou parce qu'il correspond par un Touma. Zamiltukuma. لا لا هو نحطو في فزارة فزاركما فزاركما زميلكما أيوة ليطمئن نعم ليطمئن أيوة ليطمئن على صحتي من أيوة على صحتكما أيوة أنت عليك أنت منه أنت غبت غبت ولم حضرت لا سأجاب المضارع يعني. ولم تحضر ولم هاي. تحضر نعم. لأنك كنت مريضا فزارك زميلك ليطمئن على ليطمئن على صحتك أحسنت أنا غبت ولن أحضر لأنني كنت لأنني كنت مريضا فزارني زميلني لا زميلني لا كيف تو راجوت ان مو زميلني ليش زميلني ليش لو هو يسور دو لو هو زميلو ها زميلني كيف تو مانون يا ندمه زميلي ايوه زميلي زميلي زميلي ليطمئن ليطمئن ليطمئن على صحتي طيب خامس نمت الكيستيون ريبونس سويفونت غاب لانه كان مريضا الا ايت ابسون كان ايت مالاد عاده صديقه son ami l'a visité ودع عمر ان يقرا الكتاب الذي اشتريته امس que Omar aurait aimé lire le livre que j'ai acheté hier. Kana dersu an ba'd al adab al islamiyya, que le ders concernait certains comportements islamiques. Na'am hunaka adabun yajib mura'atuha. Oui, il y a des comportements qu'il est obligé d'observer. La aktharu min al ghiyab an al amal dun sabab. Non, je ne m'absenterai pas beaucoup, on dira comme ça, du travail sans raison. طيب وفي البيت السادس يقول استعمل كل كلمات من كلمات التالية في جملة مفيدة مثل مود دون دي فاز مفيدة في البيت يتحلى الأمانة الأمانة c'est un dépôt c'est également la confiance à porter à quelqu'un شائق يتذكر يود الغياب طيب السابع سيكون في البيت ترتيب الجمل ومثل فازون لا سهل غاب ابراهيم ولم يحضر درس الامس ابراهيم تابسون نفاس طول كوديه فرح بزياره صديقه فرحا شديدا فاخبره بما قاله المدرس il était très content de la visite de son ami et qu'il a informé de ce qu'a dit le professeur ثالثا زاره صديقه يوسف ليطمئن على صحته كنا من يوسف يزيته pour s'assurer de sa santé وكان درسا عن الآداب الإسلامية et le درس concernait les comportements islamiques خامسا سأله إبراهيم عن درس الأمس إبراهيم l'interrogeait à propos du درس d'hier أجابه بأن الدرس كان مفيدا il lui a répondu que le درس était profitable j'ai 3 exercices je pense 4 عادي بس الثامن سنفعل الآن Le huitième, on le fait maintenant. C'est mettre... le khamis, le sadis et le sabia. Non. L'awwal. Il y a une question. L'awwal. L'khamis. Le sadis et le sabia. Le thamin et l'an. C'est mettre les hurufs à leur place. Il y a l'au, li, an, au, ma'a. Il n'y a pas que des hurufs. Ma'a, ce n'est pas un khamis, c'est un verbe. لقد كان درس الامس مفيدا وددت انك حضرته ce درس hier était très profitable j'aurais aimé لا avec ودد justement c'est le harf qu'on met souvent derrière an dans le texte il le dit when an là ma tu peux tous les dire je vais donner la phrase dans le texte Il a dit quoi? Il est où? Tu vas trouver direct derrière. Attends, je sais comment là. Ah, ils l'ont pas mis. Oh, ils l'ont pas mis. Non, je vais te le dire là, ils l'ont pas mis. C'est low. Ah, low. Alors, après, what does souvent, mais low. Ça veut dire si jamais. What does tout low, annaka kaza. Si j'avais su quoi. Si J'aurais aimé que tu sois venu. Souvent, mais low après, what does. Alors. Ensuite. La code shakaoutani. Ou shawaktani. Il y a une main en d'armes. La code shawaktani. Bilistima. L'estima ilayhi. Que certes, tu m'as donné envie de l'écouter. Li. Non, l'estima ilayhi. Je l'ai dit en plus. Thalitha, n'akwade kana moudou adarf, al-adab islamiyya. Le sujet du cours était le comportement islamique. An. Ahsan. Rabi'an, yajibu an yatahalla al-muslimu bistifat il-hassana izatakallama jalasa. Qu'il est obligatoire au muslim de se parer des bonnes. De bonne manière, lorsqu'il parle, s'assoit. Aou. Naam, aou jalasa. Aussi s'assoit. Maza yaf'alu al muslimu yatakallama an nas. Qu'est-ce que fait le muslim s'il parle les gens. Ma'a an nas. S'il parle avec les gens. Ah la baisse. Ok, passez celui-là. فتفعل هذا لغد إن شاء الله. تمام. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.